Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Renaud Collin. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signes faibles des mondes de demain. Avant tout, je tiens à remercier la NEF, qui est le partenaire de ce podcast et qui m'a en plus présenté l'initiative AdBike. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. C'est un partenariat qui me permettra de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. Renaud, tu es le fondateur, comme je disais, d'AdBike, une entreprise villeurbanaise qui transforme votre vélo en triporteur, permettant facilement le transport de charges ou d'enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans vos locaux et nous parlerons ensemble d'entreprises, de mobilité active et plus généralement de la technologie pour réduire notre impact. Renaud, je commence toujours l'interview de la même manière en te posant cette question qu'on pose, tu sais, quand on rencontre une personne pour la première fois et qu'on ne sait pas trop quel sujet aborder. Arrive ce moment fatidique où on te dit « Et toi, tu fais quoi dans la vie ? » Qu'est-ce que tu réponds ? Moi, je me décris comme entrepreneur de manière générale et en particulier pour développer la mobilité douce au quotidien, ce à quoi je crois énormément, être capable de se déplacer différemment, de manière plus sobre, et je me bats depuis longtemps pour ça. Et donc, ce que j'ai créé, c'est AdBike, effectivement, c'est une entreprise, donc il y a un but économique, mais j'ai aussi créé d'autres choses à côté qui permettent de développer la mobilité douce. Ouais, on en reparlera. Je me permets quand même de creuser un peu cette question parce que entrepreneur, j'ai un peu l'impression que c'est la réponse qui convient à notre siècle et à cette mouvance de la Startup Nation qui, moi, me convient pas tout à fait dans le sens où c'est vrai que tu as entrepris, tu as créé une initiative, mais dont l'objectif est très particulier. Permettre aux personnes qui ont un vélo de pouvoir passer à transporter des charges et des enfants notamment, sans forcément devoir changer intégralement de vélo. Est-ce que tu dirais que tu es facilitateur de mobilité douce ? Effectivement, mais je mets bien les deux. Je reviens sur le côté d'entrepreneur. Alors, j'étais entrepreneur avant la Startup Nation et je pense que c'est un état d'esprit d'être entrepreneur. C'est en fait quand on voit des choses qui nous dérangent ou qui changent, qui ne correspondent pas à ce qu'on aimerait, et ben d'être acteur de ce changement et de l'être en créant une entreprise, mais ça peut être en créant d'autres choses, mais je ne me considère pas comme militant au quotidien, c'est-à-dire que je ne vais pas aller crier, faire des manifestations, ainsi de suite, mais par contre, je m'en considère acteur en étant entrepreneur. C'est ma manière en fait de changer les choses et j'insiste beaucoup sur le côté d'entrepreneur. Je ne sais pas s'il a été galvaudé la Startup Nation, mais c'est un bel état d'esprit que j'aime beaucoup et que j'ai en moi de manière très profonde. Ouais. Ce qui est clair, c'est que tu t'es lancé dans cette initiative avant que tout d'un coup, en France, on se dise « mais bien sûr, le vélo est une vraie solution pour les déplacements du quotidien » puisque c'est en 2015 que tu commences à, toi, lorgner du côté des vélos cargo et que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui manque, que c'est soit très cher, soit très compliqué à obtenir et qu'en fait, ton vélo, tu l'aimes bien et que tu aimerais le garder et partir de ce vélo-là. Effectivement, donc l'idée d'origine d'AdBike, c'est ça, c'est de se dire « ça sert à rien de racheter quelque chose de nouveau, on a déjà un vélo ». Et autant s'en servir pour essayer d'augmenter, de s'en servir au quotidien. Et donc, le produit AdBike, c'est un système de deux roues, un châssis avec deux roues qui vient se mettre à la place de votre roue avant, qui vient se fixer sur la fourche de n'importe quel vélo. Et donc, ça permet très simplement à chacun de pouvoir augmenter sa charge. Et donc, à la base, c'était pour transporter un enfant. On a eu énormément de demandes pour les animaux. Et on a aussi un module qui permet de transporter de la charge pour des professionnels. Tu parles de vélo augmenté. Oui, c'est ça, c'est des vélos augmentés. On a son vélo et on l'augmente, et on l'augmente peut-être pendant la période où les enfants sont petits. Puis après, on revend son module, mais on garde toujours son vélo. Donc c'est vraiment très vertueux d'essayer de conserver des produits qu'on a déjà, plutôt que d'en ajouter. Est-ce que tu aurais tendance à dire que tu t'inscris aussi dans cette tendance low-tech, ou est-ce que Force Handbike, en fait, avec quand même un côté très ingénierial, vous dépassez un peu ça? Alors le produit d'origine, effectivement, le premier produit, il serait plutôt dans la partie low-tech. On a des technologies qui sont très simples, principalement en France. Donc c'est des choses qu'on a essayé de mettre en avant. Après, c'est pas les choses qu'on a réussi à garder sur le deuxième produit qu'on a commercialisé il y a peu de temps, qui est cette fois-ci un vélo cargo complet. Donc c'est vraiment un produit entier où il y a un vélo électrique, puisque c'est vraiment ces choses-là qui nous permettent de nous déplacer et de transporter de la charge à vélo, le fait d'être assisté. Et ce vélo-là permet de transporter 2 enfants. Voilà, et ça c'était en 2015. Le premier vélo, il a été commercialisé la première solution de portage, elle a été commercialisée en 2017. Et depuis, on s'est tapé les grèves des transports. On était en 2018-2019 de mémoire, puis les différents confinements, si bien qu'aujourd'hui on assiste à un véritable boom du transport à vélo pour les transports du quotidien, qui sont en fait les transports les plus émetteurs. Vous êtes vous happé par cette tendance, j'imagine? Ouais. J'ai eu 4 ans compliqués quand même, 4 ans compliqués sur lesquels j'ai dû aller. Donc ça, c'est très capitalistique hein, de développer une entreprise dans le monde du vélo industriel. Et malheureusement, je n'étais pas riche à la base, je ne le suis toujours pas. Mais j'ai dû aller chercher beaucoup d'argent, et je passais énormément de temps à convaincre sur le fait que le vélo allait être une solution pour se déplacer, et en particulier pour transporter de la charge. Ça, c'était 2015 à 2019. Le moment où il y a eu le vrai virage, effectivement, tu le dis, c'est le moment où il y a eu des grèves, il y a eu les municipales, il y a eu tout ça. Et c'était 2019. Et je me souviens bien de ce moment de changement où j'avais plus besoin de convaincre. J'avais plus besoin de convaincre. Pour tout le monde, c'était une évidence. Et tout le monde me disait, bah tiens, tu dois être content maintenant. Ça. Et là, maintenant, c'est le prix du gasoil, quoi. Tu dois être content maintenant, le prix du gasoil est élevé, on va se mettre au vélo. Et tout le monde, effectivement, ça fait 2 ans que tout le monde parle du vélo comme la solution. Et c'est génial. Je suis super content que ce soit une solution à beaucoup de problèmes qu'on est en train de rencontrer. Et la vertu d'Adbike, c'est que, encore une fois, vous avez développé ce produit, vous l'assemblez, le conceptualisez, en fait, vraiment de A à Z, tout se fait en France. Là où on aurait des personnes qui, aujourd'hui, des entreprises qui arrivent avec des vélos cargo qui, en fait, viennent parfois de l'autre bout de la planète. Effectivement. Donc, nous, on fait le design des produits, le développement des produits. Après, les pièces, elles ne viennent pas toutes de France. Et ça, c'est une des grosses frustrations. Sur le premier produit qu'on a développé, c'est l'accessoire. J'ai tout fait pour qu'il soit français. Aujourd'hui, on a un tiers français, un tiers tunisien, donc c'est la partie textile que j'ai été en incapacité de trouver en France, le développement de la partie textile qui était très technique, et un tiers Asie, toute la partie vélo-frein. Juste avant le Covid, aujourd'hui, non, pour remettre un peu le contexte, j'ai une entreprise qui est aussi en cours de création, même si ça fait 7 ans, et on est toujours dans des difficultés financières importantes. Et le moment où j'ai lancé le deuxième produit, on m'a dit, Renaud, arrête de t'embêter avec du français, fais des trucs asiatiques, c'est plus simple. Et effectivement, c'est très très simple de faire des produits en Asie, ce qui est incroyable. C'est-à-dire que pour moi, c'était plus simple d'aller construire un vélo complètement en Asie que de le faire avec un de mes voisins. Parce qu'en fait, on n'a plus les technologies, on n'a plus les savoir-faire en France et on n'a plus l'écosystème. L'écosystème est complètement asiatique. Donc mon dernier produit, il a 80% des pièces qui viennent d'Asie, 10% de pièces qui viennent de France et le textile qui vient encore de Tunisie. Par contre, il est intégralement assemblé en France. Donc ça, j'ai toujours réussi à le conserver et c'était quelque chose qui avait énormément d'importance de pouvoir l'assembler en France. Mais tout n'est pas français. Voilà. Donc voilà, et on va rester justement sur ce côté Made in France et cette urgence d'arriver à rapprocher au maximum toutes ces étapes hein, de la fabrication et de l'assemblage qui, lui, en l'occurrence, tu disais, est déjà fait dans l'Hexagone. Parce que tu as créé, et je m'excuse d'avance, avec Anne-Sophie Kestiker. Kestiker, merci. Ouais. Je savais que j'avais mal prononcé son nom de famille, je m'en excuse. Tu as créé le cluster mobilité active et durable avec cette aussi du coup envie d'arriver à militer presque. Là on est sur du lobbying, du partenariat pour rapprocher un peu toutes ces unités de production. Il y a un peu tout ça effectivement, lobbying, partenariat, donc l'objectif premier c'est de se dire on est plein d'entreprises aujourd'hui qui arrivent dans le monde du vélo, beaucoup de gens avec des fortes convictions qu'elles soient environnementales ou sociales, et de se dire comment est-ce qu'on fait pour faire des choses ensemble. Donc déjà c'est de se réunir, et on se croisait très souvent sur des salons en se disant tiens on va faire des choses, et on prenait jamais le temps de le faire. Donc là, avec Anne-Sophie, on s'est motivé il y a 2 ans à créer cette association qui est sous forme d'un cluster pour rassembler des acteurs de la mobilité à vélo. Et fin d'année 2021, on était 100 acteurs en Auvergne-Rhône-Alpes à être adhérents. Donc ça a marché très vite, très fort. Et on a réussi dès le début. L'objectif, c'était effectivement de se fédérer et de créer des projets concrets. C'est mon côté entrepreneurial, là. Je voulais être dans le concret et pas être dans uniquement du lobbying sans choses concrètes. Et une des premières choses qu'on a voulu lancer, c'est de créer un lieu pour nous rassembler. Et ce lieu-là, grâce à la métropole de Lyon, là, il ouvre le mois prochain. C'est le lieu qui s'appelle aujourd'hui la Manufacture des Mobilités, sur lequel il y a 8000 m². À terme, on aura une trentaine d'entreprises du monde du vélo et on va pouvoir faire des choses ensemble. Donc ça, c'est un des premiers projets sur lequel il y a quelque chose de concret qui est en train d'arriver là maintenant. Il y a un deuxième projet aussi très concret, c'est l'assemblage des vélos. Aujourd'hui à Lyon, il y a plusieurs petites unités d'assemblage qui existent et on est 6 fabricants à s'être rassemblés pour créer une coopérative. Et cette coopérative, elle va aller à l'intérieur de la manufacture et on va assembler nos vélos en commun. Plutôt que d'avoir plein de petites unités, on va avoir des unités un peu plus grosses avec des moyens plus importants qui vont nous permettre d'optimiser nos coûts et en même temps de le faire sous forme d'une coopérative. Les gros avantages de la coopérative, c'est qu'on reste maître de ce qui se passe, mais que les salariés, ils sont intéressés à l'aventure. Mais il y a plein de choses qui sont extrêmement vertueuses. Et je pense qu'il y a 5 ans, quand j'ai créé Adbike, si j'avais connu ce mode coopératif, j'aurais créé sous forme de coopérative parce que c'est extrêmement vertueux. Donc voilà, en tout cas, pour revenir sur le cluster mobilité active et durable, il y a des choses très concrètes qui arrivent aujourd'hui qui permettent de nous aider tous dans la filière vélo à nous développer, à nous rassembler pour aller plus vite, plus fort. J'aimerais revenir et profiter de t'avoir comme ça à portée de main pour vraiment essayer de caractériser cette évolution de l'engouement des Français pour le vélo qui, comme tu le disais au début de ton expérience, était très, très, très éloigné, hein, très diffus. Tu as eu du mal, c'était un vrai combat pour convaincre la nécessité des cargos, alors qu'aujourd'hui, moi-même, sur ma route pour venir ici, qui était pas plus de 20 minutes de vélo, j'ai vu de nombreux vélos cargos utilisés, on l'entend de manière assez classique pour des enfants, mais aussi par des professionnels. Il y avait un plombier que j'ai dépassé par exemple qui avait un vélo cargo. Donc aujourd'hui c'est en train de se normaliser. J'aimerais que tu me racontes un peu cette évolution avec pourquoi pas des retours d'utilisatrices, d'utilisateurs, et puis que tu me dises un peu voilà, vous aussi comment vous avez senti cette augmentation de la demande, là où souvent on voit pointer un article de temps en temps qui dit que les fabricants français de vélos croulent justement sous la demande et que c'est fou ce qui est en train de se passer. Est-ce que toi tu as ressenti ça? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, donc déjà sur le marché, il faut différencier le marché du vélo à assistance électrique, le marché où on se déplace tout seul, et le marché du vélo cargo. On a environ 5 ans de retard sur le vélo à assistance électrique, la vague du vélo à assistance électrique, on est en plein dedans, on en voit partout. Le vélo cargo, on est tout au début de la vague. On est tout au début de la vague pour donner des ordres de grandeur. Alors c'est des chiffres qui sont par exemple en quelques années, parce que j'étais obligé de trouver des chiffres il y a quelques années, maintenant j'en ai plus besoin. Mais à Copenhague, il y a 5 ans, 25% des familles qui avaient 2 enfants avaient un vélo cargo. C'était une normalité. C'est-à-dire devant les écoles, il y avait 4-5 vélos cargo. Aujourd'hui, on est vraiment au début. On est vraiment au début en France. Et pour encore caractériser le marché, en termes de nombre d'unités, il y a à peu près la moitié pour des familles, l'autre moitié pour des professionnels qui sont vendus. Donc on a de plus en plus de professionnels qui s'y mettent. Et le potentiel de croissance, il est beaucoup plus du côté du professionnel avec la logistique du dernier kilomètre avec des vélos. Et donc l'évolution que je vois effectivement, c'est qu'on est... On en voit beaucoup maintenant. Et moi, j'ai eu un vélo cargo très tôt pour transporter mes enfants. J'étais l'extraterrestre. Et aujourd'hui, c'est très normal d'avoir des vélos cargo et d'en voir un ou deux devant les écoles. Mais dans 5 ans, il y en aura 5, 6 devant chaque école. Et donc du coup, justement, pour toutes les personnes qui t'ont emboîté le pas, quels ont été les retours, notamment des utilisateurs d'Adbike en utilisation de vélo cargo classique? Et après, j'aimerais t'entendre aussi sur ce qui fait un peu la spécificité, notamment du premier produit que vous aviez mis à la commercialisation, qui était un peu justement dans cette tendance low-tech, de se dire, ben voilà, on fait avec au maximum ce qu'on a et on ajoute cette petite remorque sur le devant du vélo. Ok. En tout cas, le retour des utilisateurs, en général, une fois qu'on commence à goûter au vélo cargo, on ne revient plus en arrière. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on passe autant de temps dans nos voitures, dans des bouchons, à avoir du mal à se déplacer, à aller faire des... Non, vraiment, le retour général, c'est l'incompréhension de ce qu'on faisait avant et de se dire bah, « je ne reviendrai plus en arrière ». Après, il y a toujours des moments où c'est un peu compliqué. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Quand il fait beau comme ça, c'est génial. Et après, quand il fait un peu moins beau, c'est plus compliqué. Mais il y a tout ce qu'il faut pour se protéger correctement et apprendre à se déplacer même quand les conditions ne sont pas favorables. Puis il y a un côté stabilité, sécurité hein, qui est là avec le vélo cargo, encore plus qu'un vélo classique. Alors on a plein de formes de vélo cargo. Quand on parle de vélo cargo, en fait, ce n'est pas une réalité, c'est plein de réalités. On peut avoir 2 roues, 3 roues, 4 roues, avec les 2 roues à l'avant, avec les 2 roues à l'arrière, à la charge à l'avant, à la charge à l'arrière, et tout ça, c'est toutes les configurations que... Donc vous pouvez mettre toutes les configurations dans tous les sens. Ce qui se développe le plus historiquement, c'était en Hollande, c'était des tricycles, donc les vieux tricycles avec la charge à l'avant et la caisse à l'avant. Ensuite, il a commencé à se développer des biporteurs avec 2 roues. Quand il y a moins de roues, en fait, ça apporte moins de stabilité, plus de dynamisme, c'est plus facile à se déplacer. Donc le biporteur, c'est 2 roues avec la charge à l'avant. Donc c'est la grosse caisse à l'avant, mais juste avec 2 roues. Et là, ce qui se développe énormément en France, c'est 2 roues, mais à la charge à l'arrière pour les 2 enfants. Donc ça s'appelle des longtail. Et là, c'est... Donc on voit, il y a des évolutions en fonction des besoins. Et c'est vrai que le longtail, c'est un produit qui est particulièrement adapté pour la famille parce que c'est la conduite d'un vélo normal. Alors qu'en fait, sur tous les autres vélos cargo, il y a une période d'apprentissage pour apprendre à s'en servir. Quand on a 3 roues, ben on ne conduit pas pareil que quand on a 2. Quand on a la roue très loin devant parce qu'on a la charge, ça ne se conduit pas pareil. Même si tout se fait très bien, il faut apprendre. Et sur le côté low-tech, justement, d'Adbike, et toi, tu me disais que vous en étiez peut-être pas revenu, mais qu'en tout cas, vous évoluiez avec notamment un second produit qui était entièrement électrique. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette envie au début de... Cette partie low-tech, alors ça fait partie des convictions qu'on a en interne d'Adbike, de se dire bah, plus il y a de choses techniques compliquées, d'électronique, moins il y a de chances que ça tienne dans le temps. Et l'un des objectifs, c'est de se dire bah, qu'on fait des produits qui vont durer longtemps, qui vont pouvoir être vendus, revendus, et pouvoir rester dans... Bon, servir au quotidien et pas être relégué au fond d'un garage parce que ça fonctionne plus quoi. Ouais, et vous en êtes à la fois, comme je le disais tout à l'heure, un tout petit peu revenu puisque derrière vous avez proposé un vélo entier et notamment du coup je découvre le mot un long tail hein, puisque vous avez un vélo sur lequel les 2 enfants peuvent se mettre à l'arrière de la personne qui pilote le vélo. C'est ça, donc c'est un long tail et effectivement bah, maintenant on a rajouté le moteur électrique, en essayant de mettre un moteur électrique qui était le plus fiable possible. Mais il y a, comme toujours, quand on essaye de faire au minimum, en fait, si y a, sans le moteur, au quotidien, c'est assez compliqué à utiliser quand on a 80 kilos de gamins derrière. C'est assez compliqué à utiliser. Donc effectivement, le moteur permet de ne plus utiliser sa voiture au quotidien et permet de se déplacer. Donc voilà. Après, on a essayé de le travailler énormément, ce produit, pour qu'il puisse servir vraiment dans l'usage, c'est-à-dire transporter les enfants, mais aussi transporter ses courses. Donc il est modulable pour qu'on puisse passer de l'un à l'autre. Et à chaque fois, on essaye de réfléchir selon l'usage des produits pour que ça réponde au maximum et qu'on n'ait pas besoin d'avoir plusieurs objets. Ouais, en photographie, on dit que le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a avec soi. Je crois que là, le meilleur moyen de transport, c'est celui qu'on prend au quotidien. Et donc peut-être que troquer un gros moteur pour un petit moteur, après tout, on a déjà une bonne partie de la victoire. On va partir en 2030 glorieuse, Renaud. Avant ça, comme d'habitude, l'invité vient avec une bulle d'inspiration qu'il a trouvée en général dans ses étagères, parce que moi je suis persuadé que changer la société, ça passe aussi par se réapproprier le pouvoir des imaginaires et regarder tout ce qu'on a à gagner plutôt que de se concentrer sur tout ce qu'on a à perdre. Tu as choisi un passage d'un livre qui montre justement tout ce qu'on a à gagner. Je te laisse nous le présenter et nous lire ce passage. Alors c'est un livre de Pierre Rabhi, « Vers la sobriété heureuse ». Thank you. dois avouer qu'après la frugalité, parfois proche de l'indigence vécue avec ma famille à partir de 1961 et durant une quinzaine d'années, pendant la phase pionnière de notre aventure Cévenol, aujourd'hui, bénéficiant d'une prospérité certes raisonnable mais durement acquise, je suis obligé de me poser à moi-même cette question. Que veut dire au juste la sobriété que je prône ? Suis-je toujours en cohérence avec ce choix initial, dont l'état actuel de la société en crise grave renforce la pertinence et la nécessité, alors qu'après m'en être longtemps passé, je jouis de la plupart des attributs de la modernité et du mode d'existence très dispendieux qu'elle impose. Certes, je n'ai ni yacht ni jet privé, et n'en ressens ni le désir ni la frustration, mais la modeste prospérité dont il est question nous a permis, à côté de l'immense privilège de vivre au sein d'une nature magnifique, d'accéder à la plupart des innovations marquées du sceau du fameux progrès, censé améliorer la condition humaine. Me voici donc immergé dans une logique dont je récuse le fondement, et où la limite entre la sobriété et la non-sobriété est devenue très floue. En fait, bien que réprouvant sans appel toute forme de spoliation de l'homme, je suis obligé de constater qu'en dépit de mon empreinte écologique, somme toute modérée, je suis capitaliste. Il me suffit pour le vérifier de séjourner dans un village d'Afrique sahélien où nous menons des activités solidaires en faveur de l'agroécologie. J'y deviens objectivement un millionnaire. Car avec la seule contre-valeur financière de ma voiture d'une gamme moyenne, dont j'ai impérativement besoin comme outil de déplacement, chargé de livres et de documents pour mes conférences, un village africain de 200 habitants pourrait, s'il devait acheter et non produire, subvenir à ses besoins alimentaires durant au minimum 2 années. Et si je chiffrais mes modestes possessions et dépenses annuelles, la disparité deviendrait abyssale. Le système est fait d'une telle sorte que si l'on prend comme référence dans la hiérarchie de l'avoir les besoins vitaux les plus légitimes, il y a beaucoup de capitalistes qui s'ignorent. Et si on peut dire en toute logique que sitôt après avoir satisfait aux nécessités vitales de base indexées sur le niveau élémentaire de survie, c'est-à-dire la nourriture, l'eau potable, l'abri, les vêtements et les soins pour tous, et qui sont tous loin d'être couverts sur la planète, on passe dans le domaine du superflu et de l'accumulation sans équité ni limite. Merci Renaud pour cette bulle d'inspiration. Tu t'en es pas rendu compte, mais ça y est, on est en 2030 glorieuse, dans une société où on a réussi à changer la boussole de nos vies. Les personnes qui nous écoutent, là, elles sont restées en 2022. Et c'est pas évident d'arriver à traduire tout ce qu'on a gagné. Quel point on a repris un plaisir fou à reprendre notre place parmi le vivant. On va faire cet exercice pendant 15 minutes de leur décrire tout ce qu'on voit tout autour de nous. Forcément, c'est un exercice de la pensée. Personne ne nous en voudra si tout ce qu'on va imaginer et donner à voir ne se concrétisera pas là, dans les années à venir. Et à la fois, ça va donner des caps hyper enthousiasmants pour revenir en 2022 et être très stratégique dans la modification de nos modes de vie. Ok ? Ok. En 2030 glorieuse, on commence avec ce qui t'occupait déjà toi à l'époque, en 2022. La mobilité active est devenue le premier moyen de se déplacer en France. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça implique ? Aujourd'hui, il y a des vélos et des moyens de se déplacer de toutes les formes, avec 2 roues, avec 3 roues, avec 4 roues, pour 1 personne, 2 personnes, 10 personnes. Protégé de la pluie ou pas protégé de la pluie, avec une capacité de charge ou pas de capacité de charge. Mais c'est tous ces moyens-là qui nous permettent de nous déplacer au quotidien et qui sont normaux, qui sont des moyens de déplacement normaux, qui sont pas du tout excentriques et qui nous permettent de vivre correctement sans avoir besoin de véhicules thermiques. Et tous nos échanges en utilisant ce type de véhicule, ils vont arrêter de s'éloigner et de faire le tour de la planète, ils vont aller de plus en plus proches, on va de plus en plus parler avec son voisin, aller voir le producteur qu'on connaît, qui est pas très loin, avoir plus de liens territorial, local, dans les moins de 10, 20 kilomètres, parce qu'on a des moyens de locomotion qui nous contraint, en tout cas, mais qui nous permettent surtout de nous reconnecter localement. Et donc, ça a forcément impliqué sur la grosse décennie passée une forte implication de l'État, des métropoles dans la transformation du territoire pour l'adapter justement à ces déplacements piétons, à ces déplacements à vélo, en l'occurrence, mais pas que. Pas que. Bah déjà, au moins sur le territoire, il y a quand même des choses très fortes et qui font qu'il y ait des déplacements, que ça se développe. C'est effectivement les infrastructures qui... C'est les infrastructures qui vont faire que tout ça se développe. Et donc, grâce aux infrastructures qui sont adaptées aux moyens de locomotion, aux nouveaux moyens de locomotion, on a réussi à développer effectivement le vélo. Mais effectivement, il y a aussi les entrepreneurs qui ont permis de développer des produits, qui ont permis de développer des moyens de se déplacer qui sont adaptés aux usages du quotidien et aux besoins du quotidien. Donc effectivement, c'est les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises qui ont permis de faire ce changement. J'ajouterais même un acteur inattendu qui a vraiment mis en avant cet essor comme ça du vélo comme non pas une nécessité mais une joie, un plaisir, une opportunité en or. Ça date de mémoire de 2022 où Netflix avait commencé à créer une série documentaire pour suivre le Tour de France. À l'époque, dans les imaginaires, c'était la grosse voiture qui était marqueur de réussite et forcément le jet privé, le symbole d'une vie financière épanouie. Et puis petit à petit, dans les films, dans les séries sur nos écrans, on a vu de plus en plus le vélo affiché comme une possibilité de recréer un lien avec la nature, de passer des moments inoubliables. Et donc les histoires, les films nous ont aussi aidés à nous rendre compte à quel point voilà, ce deux roues qu'on avait abandonné souvent dans notre garage, il était aussi vecteur de poésie, vecteur d'aventure. Ça a beaucoup joué. Oui, ouais, avec de plus en plus de voyages, de gens qui voyageaient avec des vélos, qui ont permis... Alors certes, peut-être de se déplacer moins vite, moins loin dans la même durée, mais en tout cas de se connecter plus avec les gens. Et effectivement, c'est à ce moment-là où on a vu émerger de plus en plus de gens qui voyageaient, qui faisaient, outre les outils du quotidien, mais aussi le tourisme et faire le tour du monde à vélo. Il y a eu de plus en plus de gens qui faisaient le tour du monde à vélo à ce moment-là, effectivement. En 2022... Ça paraît loin, mais on commençait à sentir les soubresauts de la fin du capitalisme et des échanges mondialisés avec notamment un prix de l'essence qui commençait à s'envoler. Là, aujourd'hui, en 2030 glorieuse, les véhicules thermiques sont devenus complètement ostentatoires, j'allais dire fous, déraisonnables, tant ils coûtent cher. Donc, il y a aussi un aspect économique fort à valoriser les déplacements grâce à la mobilité active. Économique et plus personne n'accepterait d'avoir des objets qui sont dangereux parce que très lourds, qui font du bruit, qui causent des dégâts, qui causent de la pollution, qui coûtent cher à entretenir. Plus personne n'accepterait ça aujourd'hui, quoi. Et puis ça a eu aussi un vrai impact sur l'emploi, puisque entre 2022 et bientôt, hein, on parle de 2050, le milieu du vélo en France, hein, et je parle seulement en France, devrait créer... plus de 200 000 emplois, parce que forcément, toutes ces entreprises qu'on a réussi à rapatrier sur la fabrication du vélo, mais aussi tous ces petits réparateurs qui sont revenus dans les villes, et puis on le disait, hein, toutes ces personnes qui aujourd'hui travaillent à déplacer nos produits, nos services à vélo. Ouais, et puis toute cette relocalisation, effectivement, des pièces qui étaient historiquement faites à l'autre bout du monde, le fait de le faire, alors soit dans des industries, mais aussi de plus en plus d'artisans qui font des vélos et des moyens de locomotion qui sont spécifiques aux attentes de chaque personne, qui permet à chacun de ces artisans de montrer son savoir, d'exploiter, en tout cas de valoriser son savoir-faire et de pouvoir avoir des choses qui sont uniques et de valoriser ce côté artisanal. Des choses qui n'étaient pas si loin en fait, hein, parce que quand on regarde là un tout petit peu plus en arrière, moi personnellement j'ai encore le vélo Peugeot que m'avait donné mon oncle et qui avait été créé en 1979. 60 ans, enfin 50 ans après, le vélo, il n'a pas pris une ride, il pèse toujours ses moins de 10 kilos et il fait son travail à merveille. On n'aurait jamais pu dire ça d'un véhicule comme une moto ou une voiture. Oui, c'est rare qu'on conserve des véhicules aussi longs. Et effectivement, grâce à l'évolution du monde du vélo, le fait d'avoir des produits qui sont de plus en plus fiables et de plus en plus durables, et ben on garde nos vélos pratiquement toute notre vie. Ouais. T'imagines ? On aurait pas imaginé ça, je pense, il y a 10 ans en arrière, mais aujourd'hui, il y a des cours de réparation de vélos qui sont donnés dans les écoles. Il y a des ateliers de personnalisation de nos vélos pour que on puisse chacun avoir un vélo qui nous ressemble à nos couleurs avec des accessoires parfois faits sur mesure. Il y a eu toute une économie qui s'est développée autour de cet objet aussi qui définit une partie de notre personnalité. Oui, et chacun a son vélo personnel. Il y a toujours les grandes tendances avec des équivalents des hipsters des années 2020, des équivalents des crunch, des équivalents. Voilà, tout le monde peut s'exprimer et peut exprimer son individualité avec son vélo. Et effectivement, chacun sait réparer son vélo ou fait appel à des réparateurs locaux pour faire son vélo, ce qui crée énormément d'échanges économiques locaux. Ouais. Ouais, en 2015, Adbike, vous étiez un peu précurseur sur ces sujets. Depuis, vous avez été largement rattrapé par toute une communauté d'entrepreneurs qui, partout en France, mettent en avant de superbes produits, que ce soit des vélos électriques, vélos cargo. À quoi ça ressemble et comment toi, tu te sens d'avoir été rejoint par autant d'entreprises ? Je me sens super fier parce qu'on a réussi à, plutôt que de créer des entreprises concurrentes, à essayer de se mettre ensemble en essayant de se valoriser chacune de nos particularités et puis de les valoriser en essayant de rassembler nos entreprises plutôt que de trahir les uns contre les autres en mettant en avant nos forces. Et ça, c'est la grosse réussite de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que c'est pas Adbike qui a réussi, c'est la multitude d'entreprises à laquelle on s'est allié sur chacun des points qu'on réussit et qui fait qu'aujourd'hui, on peut proposer énormément de choses différentes. Ouais. Et d'ailleurs, quelque chose qui, en l'occurrence, a été inspiré grâce à l'époque à tous les concessionnaires automobiles, c'est qu'aujourd'hui, en périphérie des villes, voire dans les villes, on se retrouve comme ça avec toutes les marques de vélos qui ont les boutiques les unes à côté des autres. À l'époque, on avait Jaguar à côté de Range Rover, à côté de Renault, à côté de Citroën. Aujourd'hui, on a Adbike à côté de Peugeot, à côté de... Et c'est aussi un peu cette confrérie des marques françaises du vélo qui donne à voir ce sentiment de partenariat, d'entraide, de coopération. Oui, on le voit sur la commercialisation et aussi, bien sûr, sur la fabrication. En essayant d'avoir de plus en plus de... Bon, c'est grâce aux toutes les choses standards communes qu'on a réussi sur lesquelles on a réussi à s'accorder à l'époque, qui fait qu'aujourd'hui, on a des prix des produits qui sont plus acceptables, on a une réparabilité qui est bien meilleure, tout en conservant de la personnalisation des choses uniques. Donc, le fait de s'être réunis sur certaines pièces nous a permis d'être plus fiable, plus économique et plus durable. Quelque chose qu'on mettait assez peu en avant pour faciliter, favoriser l'utilisation du vélo, même 10 ans en arrière, c'était à quel point la démocratisation du vélo allait avoir un impact positif sur la santé des Français. On parle de pollution de l'air largement diminuée, on parle de pollution sonore aussi, quasiment inexistante aujourd'hui dans les villes. Et puis forcément, des Français qui font du vélo, c'est des Français qui font du sport tous les jours. Exactement. Ça a réussi à résoudre tout un tas de problèmes qu'on avait en 2020. Des problèmes, effectivement, on les a cités au niveau de la pollution sonore et au niveau du olfactif, au niveau des impacts d'émissions nocives pour la santé. Le fait de faire du sport, mais aussi le lien social, c'est-à-dire que les gens se sont mis à se parler plus facilement parce qu'ils étaient à vélo, plutôt que de chacun était bloqué dans sa voiture. L'énergie que ça peut apporter aussi, plutôt que d'être bloqué dans sa voiture le matin, de pouvoir avoir fait un moment de sport, le fait de bien se sentir quand on arrive au travail, c'est aussi quelque chose d'assez énorme. Donc oui, tout le monde est plus sportif et plus heureux, quoi. Adbike a bien évolué. Quels sont les produits qui sont sortis et sont devenus des fleurons de votre entreprise ? C'est toujours sur le transport de charge et toujours aller de plus en plus vers l'attente des utilisateurs, que ce soit pour des usages personnels ou des usages professionnels, mais c'est des produits diversifiés qui permettent à chacun de répondre à ce qu'il a, ce qu'il souhaite dans ses déplacements du quotidien, qu'ils soient professionnels ou personnels. Est-ce que vous avez pu adresser, par exemple, les besoins des professionnels à la campagne grâce à vos solutions ? Est-ce qu'on a des vélos qui permettent de déplacer des charges parce que dans les champs, parce que dans les forêts, à quoi ça ressemble tout ça ? Oui, on a des vélos beaucoup plus puissants qui permettent effectivement de déplacer des charges plus importantes, de faire un certain nombre de travail maraîcher ou agricole, plutôt que d'avoir effectivement des gros tracteurs très polluants, bah d'avoir des vélos tracteurs qu'on commençait un tout petit peu à se développer en 2022, mais qui étaient vraiment très confidentiels, mais qui fait qu'aujourd'hui, en ayant des exploitations agricoles qui sont de plus à taille humaine, avec des moyens de production qui sont aussi à taille humaine, bah, le vélo, ça devient aussi une manière d'exploiter son sol et de travailler en agriculture. Donc oui, ça a été un grand changement. Ouais. Et puis Adbike, en 2026, de mémoire, a lancé sa grande course autour du monde, si je ne dis pas de bêtises. Chaque année, des centaines de personnes avec un vélo cargo partaient faire le tour de la planète et raconter ses aventures, ses rencontres, ses découvertes, tout ça à vélo. Avec l'objectif à chaque fois de venir dans un nouveau pays, dans un nouvel endroit, en représentant quelque chose qu'il aurait transporté du pays d'avant pour pouvoir faire découvrir et ne pas seulement s'enrichir à titre personnel dans son déplacement de la culture des autres, mais aussi faire découvrir aux autres en se déplacement au fur et à mesure de la culture qu'ils avaient rencontrée juste avant. Ouais, c'est une super idée. Profiter du cargo pour pouvoir justement favoriser ces liens entre les pays, quoi. Oui, exactement. De l'enrichissement mutuel et cette fois-ci démultiplié grâce au transport de charges qui est offert par les cargos. Ouais. Toi, Renaud, tu fais quoi en 2030 glorieuse? En 2030, là aujourd'hui, effectivement, j'imagine plutôt un peu de repos. C'est pas tout de repos de créer une entreprise. Je sais que j'ai encore quelques années devant moi à bien travailler, mais effectivement, je m'imagine plutôt en montagne et effectivement à être très en lien avec mon environnement, avec les personnes qui sont pas loin de chez moi, plutôt à la campagne. Tu continues à être impliqué auprès d'Adbike ? Auprès de la mobilité de manière générale, la mobilité et du développement de solutions vertueuses au niveau environnement et socialement, ouais, important. On m'a dit que tu lorgnais un poste de ministre de la, de la relocalisation et de la mobilité active, non ? Ouais, non, j'avoue, effectivement, je serais plutôt sur des très peu de politique, quoi. Je serais plutôt sur des choses très concrètes où j'ai besoin de faire les choses et ouais. Plutôt des choses très concrètes. Plutôt des choses très concrètes. C'est un sous-entendu un peu... J'ai été mal informé alors. Ouais. On revient en 2022, à une époque où le vélo était déjà largement en train de se déployer et on sentait les prémices de tout ce qu'on vient de décrire sur les 2030 glorieuses, avec notamment toute cette création d'emplois. Ça, c'est quand même assez extraordinaire de se dire qu'aujourd'hui, on commence à voir tous ces métiers qui mettent en avant des savoir-faire, des vraies expertises, qui demain seront des métiers complètement normalisés. Oui, ouais, totalement. Et on s'est aperçu effectivement récemment en 2022 qu'il n'y avait pratiquement plus de formation pour former les gens qui allaient se mettre dans le monde du vélo. Et quand on pense aux gens du monde du vélo, on pense à l'assemblage ou à la réparation. Mais en fait, il y a tout un tas d'autres métiers qui sont à côté. Comme quand on parle des livraisons, bah, c'est des dispatchers spécifiques qui s'occupent de répartir la manière dont on va aller faire les livraisons en ville. Les ingénieurs spécifiques, il y en a qui sont spécialisés aujourd'hui qui existent sur l'aéronautique, mais sur le vélo, il n'y a rien du tout qui existe. Donc en fait, il y a un vrai savoir-faire autour du vélo qui est un produit très technique en fait, sur l'équilibre, sur le fait qu'il n'y ait pas de vibration sur le vélo. Et donc tous ces métiers-là, ils sont en train de se développer. Ouais. Et les formations sont en train de revenir, quoi. Pour les personnes qui nous ont écoutés et qui ont voyagé avec nous en 2030 glorieuse et qui se disent « mais moi j'ai envie de cette France à vélo, de cette France plus ancrée localement, plus silencieuse, forte de tous ces liens qui ont été créés grâce à cette mobilité active », qu'est-ce que tu leur conseillerais comme pas supplémentaire pour les faire advenir ces 2030 glorieuses, mais dès aujourd'hui, sans attendre ? Sans attendre, bah, c'est la solution est vraiment très simple. C'est tous ces déplacements qui font moins de 10 km, les faire à vélo. Et goûter à ça, en général, on ne revient plus en arrière, que ce soit avec de la charge ou sans de la charge, mais limiter ces déplacements de manière générale. Et une fois qu'on a des déplacements de moins de 10 km, les faire à vélo. Donc, va fouiner dans son garage, on regonfle les pneus, son vélo. Voilà. On règle les freins et c'est parti. Et c'est parti, ouais. Et c'est parti. Et plus il y aura de cyclistes, plus on aura d'infrastructures qui seront adaptées et plus ça se développera. Et pour les personnes qui souhaiteraient tester les capacités offertes par un vélo cargo sans forcément passer le pas de l'achat tout de suite, qui peut être un vrai frein, est-ce qu'il y a des solutions qui permettent voilà, de tester ces objets-là? Il y a de plus en plus de villes qui le proposent. Il y a de plus en plus de villes. Donc, il y a à Paris, en Ile-de-France, il y a la possibilité de louer avec des tarifs avantageux des vélos cargo. Il y a Rouen qui vient de se doter d'une flotte de vélos cargo. Donc, il y a plein de villes comme ça qui commencent à se développer sur la partie vélo cargo. On est en discussion avec d'autres villes. Ouais. Merci, Renaud. Merci à toi. Ça y est, cette interview avec Renaud Collin vient de se terminer. Je suis très content d'avoir pu donner la parole à Renaud qui illustre bien avec son exemple à quel point le vélo va prendre une place grandissante dans nos vies. Il nous l'a dit. Et les différentes grèves, confinements, puis maintenant la hausse du gasoil donnent à voir à quel point il y a tout intérêt forcément en termes de réduction de notre empreinte écologique, mais aussi d'économie financière. Et puis bientôt, on le présentera aussi sans doute sous l'angle de tous les gains en termes de silence, en termes de santé, en termes de reconnexion sociale et au territoire, comme nous l'avons fait pendant ces 45 minutes de podcast. Et puis surtout, Renaud montre aussi que ces tendances, elles vont aussi permettre la création de métiers hyper enthousiasmants, ce qui est déjà le cas avec Adbike, des métiers aux compétences, au savoir-faire, à l'innovation à chaque fois affirmée et qui sont dans le quotidien, je crois qu'il a réussi à nous le transmettre, vraiment passionnantes. Enfin, je crois que Renaud aussi, dans son exemple, il nous montre à quel point les entreprises françaises, elles ont cette nécessité de travailler ensemble pour renationaliser les savoir-faire, mais aussi pour pouvoir partager certaines innovations, certaines techniques, certains coûts aussi qui seront forcément liés au fait de refaire venir tout un tas de choses qu'on a sous-traitées aux pays du monde entier. Une interview riche qui me donne en tout cas envie de remonter sur mon vélo là tout de suite et j'espère que pour vous c'est pareil. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des 2030 Glorieuses. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuses avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommencepartmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !